suis très content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. Leçon 28. L'action Adam Sponsage. Dans notre dernière leçon, nous avons vu les pronoms personnels et leurs formes plus faibles. Aujourd'hui, nous allons compléter cela en regardant ce qui se passe avec les verbes réflexifs. Avec les verbes réflexifs, nous obtenons au datif mir, dir, sich, sich, eis, ich, sich. Encore une fois, mir, dir, sich, sich, sich, eis, ich, sich. Avec l'accusatif, nous avons mich, dich, sich, sich, sich, eis, ich, sich. Encore une fois, mich, dich, sich, sich, sich, eis, ich, sich. Ceci est bien sûr la même chose qu'avec le pronom personnel simple, à l'exception de la troisième personne au singulier et la troisième personne au pluriel. Rappelez-vous que pour le pronom personnel simple, nous avons le datif him, hier, him pour la troisième personne singulier et hinnen pour la troisième personne au pluriel. Tandis qu'ici, nous avons sich pour le singulier masculin, féminin et neutre, et pour le pluriel. La même chose se passe pour l'accusatif. Au lieu de hien, sie hat à la troisième personne singulier et sie à la troisième personne au pluriel, nous avons sich pour le singulier et le pluriel. Prenons maintenant quelques exemples pratiques. Der Papa wäscht sein Jung. Le père lave son fils. Hier wäscht hien. Il le lave. Mais lorsque nous disons hier wäscht sich, le père ne lave pas son fils, mais il se lave soi-même. Coiffeuse kämmt Client. La coiffeuse peigne la cliente. Sie kämmt sie. Elle la peigne. Mais lorsque la coiffeuse se peigne elle-même, ça devient sie kämmt sich. Waschen et kämmen sont des exemples particulièrement intéressants car ils peuvent être utilisés avec le datif et l'accusatif. Der Papa wäscht seinem Jung Tor. Si nous traduisons cette phrase mot par mot, ça donne le père lave son fils et les cheveux. Si nous remplaçons les noms par des pronoms personnels, nous obtenons « hier wäscht ihm Tor ». Si le père lave ses propres cheveux, nous obtenons « hier wäscht sich Tor ». Donc, pour « waschen », nous pouvons avoir un pronom personnel au datif et à l'accusatif et nous pouvons utiliser « waschen » comme verbe transitif ou réflexif. « Hier wäscht hien »,« hier wäscht sich »,« hier wäscht ihm Tor »,« hier wäscht sich Tor ». C'est pareil pour « kämmen ». Coiffeuse kämmt Client. Sie kämmt sie. Mais si la coiffeuse se peigne elle-même, sie kämmt sich. Coiffeuse kämmt der Client Tor. Sie kämmt hier Tor. Si elle se peigne ses propres cheveux, nous obtenons sie kämmt sich Tor. Alors nous pouvons dire sie kämmt sie, sie kämmt sich, sie kämmt hier Tor, sie kämmt sich Tor. Veuillez noter aussi qu'en luxembourgeois, si nous avons un datif et un accusatif, le datif précède toujours l'accusatif, de même avec les pronoms ou avec des noms. Utilisons les exemples que nous venons de voir. Hier wäscht seinem Jung Tor. Le datif seinem Jung précède l'accusatif Tor. Ceci reste valable pour hier wäscht ihm Tor et hier wäscht sich Tor. Et encore, Coiffeuse kämmt der Client Tor. Client est le datif et précède l'accusatif Tor. La même chose est valable pour les pronoms. Sie kämmt hier datif Tor, accusatif. Sie kämmt sich datif Tor, accusatif. Il est évident que cette pratique ne se limite pas uniquement à la troisième personne singulier ou pluriel. Nous pouvons donc dire Ich kämme dir Tor, du kämmst Eis Tor, hier kämmt ich Tor, hat wäscht mir de Kap, mir wäschen Eis de Kap, dir wäscht ich de Kap, etc. etc.